Pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile. Les mains moites et la gorge serrée, ici on pense à toi avec les yeux mouillés. Stalingrad a perdu un petit frère. De t'avoir connu, sache qu'on en est tous fiers. C'est pas facile d'être un gamin dans la ville. Il peut se passer beaucoup en un battement de cils. La vie n'est pas longue, n'est pas un putain de fleuve tranquille. Quand t'as touché le fond, tu remontes, mais c'est pas facile. ATK et A2D depuis toujours. On rappelle dans la cour de récré tour à tour. En 94, on prenait l'habitude des gardaves. Une page se tourne, est-ce que demain sera moins grave? Pas facile, pas facile, pas facile, pas facile. Pas facile, pas facile, pas facile, pas facile. C'est pas facile de devoir partir. Les mots me manquent, je sais pas quoi dire. À part que je me rappelle quand on se tapait des barres de rire. Avant la tombe, on sait ce qui tombe, les larmes s'y t'opèrent. En espérant que là où tu es, tu trouveras l'herbe un peu plus verte. Quand on se met à parler de toi, je vois les gorges qui se serrent. À côté de ça, je vois ton studio et l'huissier qui se serrent. On n'était pas toujours d'accord, mais toujours les pieds sur terre. On avait quelques discords, et je les regrette pour être sincère. C'est bien plus qu'un ami qu'on perd, c'est un collègue, un frère. Freddy K repose en paix, on fera ce qu'il y aura à faire. C'est pas facile de devoir partir, sans rien avoir eu le temps de te dire, on baisse les armes, fini les griefs, c'est le moment de grandir. On perd un ami puis un autre, et c'est comme ça jusqu'au bout. La vie est parfois dure à toi d'encaisser les coups. Pas facile, pas facile, pas facile, pas facile. Pas facile, pas facile, pas facile, pas facile. A ton avis, qu'est-ce que la vie quand elle part si vite? Pas si facile, car à son habitude acide, le temps passe facile. Veut comme l'autre acide, prend parmi nos vies. Mais je n'ai pas admis que j'ai perdu mon, j'ai perdu mon ami. Ouais, toi tu marches et droit, regardez au loin FK. Tes épaules te suivaient même seules, et si jamais c'était le cas, et que les miennes ralentissent, je puiserai dans cette force pour que je ne m'épuise. Et puis, j'ai perdu mon, j'ai perdu mon ami. Et le plus grand bal du monde, je me rappellerai encore de ça longtemps. Qu'est-ce que tu crois entre nous? Il y avait bien plus fort qu'un contrat, t'entends? Et ce ne sont pas des mots, tu vois, je te parle de l'ami. C'est l'air entre nous bien au-delà de l'au-delà. Alors je garde tes sourires et tes souvenirs fiers. Hier, j'ai perdu mon frère. Mais comme tu nous l'as dit, soyez fort, donc je reste fort. Mon cœur droit est battant comme un zadi. Pas facile, pas facile, pas facile, pas facile. Pas facile, pas facile, pas facile, pas facile. Pas facile, pas facile, pas facile, pas facile. Pas facile, pas facile, pas facile, pas facile. Pas facile, pas facile, pas facile, pas facile. Pas facile, pas facile, pas facile, pas facile. Les choses simples sont les plus difficiles pour mettre un point final au mal qu'on fait autour de soi et à sa progéniture. Je te parle comme spectateur, victime des moindres, des pleurs, des cris, douleurs, erreurs. J'ai pas d'enfant, pourquoi j'ai peur? T'inquiète pas, Freddy, ce n'est pas une maladie, plutôt une maladresse. L'homme a tant d'audace et pour un rien sa plume se dresse. Pas facile, attendre d'un homme qu'il change en père exemplaire. Il pense qu'à remplir son carnet d'adresses et se vider les bourses. De quoi j'ai l'air? Une bonne poire quand on sait que les hommes préfèrent les femmes sans enfants, mais ils en ont rien à foutre. Pas facile, pas facile, pas facile. Pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile.